une histoire particulière. C'est la rentrée. Je vous espère bronzé, reposé, prêt pour de nouvelles histoires particulières. Alors ne perdons pas de temps, je vous propose tout de suite la première de la saison. Juillet 72, Reykjavik apparaît comme le centre du monde. Des journalistes de la planète entière affluent dans la petite capitale islandaise pour assister au match du siècle. Ce n'est pas un combat de boxe entre poids lourds ou une finale de mondial de foot. Tout va se passer sur une grille carrée formée de 64 cases. Olivier Sesinski et Vincent Deck placent les pions pour vous tout de suite dans ce premier épisode. L'affrontement entre deux super-cerveaux, l'américain Fischer et le soviétique Spassky en terre neutre, fait revivre l'Islande si proche des icebergs et presque oubliée depuis que les avions à hélice n'y font plus escale sur la route de l'Atlantique Nord. Le championnat du monde des échecs, que l'on appelle ici le match du siècle, passionne, disent les experts, quelques 50 millions de personnes dans le monde. Guerre froide sur l'échiquier, les tractations. Le 1er juillet 1972, au Théâtre national de Reykjavik. Un homme pousse d'une main tremblante la porte de la grande salle. Il s'appelle Gudmundur Thorarinsson et il est le maître d'œuvre de cet événement planétaire. Cela fait près d'un an qu'il y travaille. Et cette soirée d'ouverture doit être son heure de gloire. Les invités sont déjà là. Le maire de la ville, les ambassadeurs, le champion du monde Boris Spassky et son entourage. On annonce maintenant le président de la République et ses ministres. C'est que ce match du siècle dépasse de loin les limites de l'échiquier. Nous sommes au cœur de la guerre froide, affrontement immobile, sans héros ni bataille. Alors que les missiles des deux empires se font face, Reykjavik va devenir cette bataille. Fischer et Spassky, c'est héros. Le championnat du monde des échecs devient l'image même de la guerre folle que se livrent l'Est et l'Ouest. L'état du monde en 72, c'est quand même l'affrontement Est-Ouest américano-soviétique qui domine. Emilia Robin, historienne de la guerre froide. Et dans ce contexte, on est dans un état de coexistence pacifique, c'est-à-dire que la guerre froide n'est pas terminée, mais désormais, on la poursuit par d'autres moyens que l'affrontement direct. Il y a l'affrontement sur le plan sportif, l'affrontement sur le plan des échecs, l'affrontement sur le plan culturel, technologique, la course à l'espace, etc. Et également la course aux armements. Dans les années 50, chacun des deux pays a quelques dizaines de têtes nucléaires, la bombe A puis la bombe H. Au début des années 70, l'ordre de grandeur, c'est entre 20 et 30 000 têtes chacun. L'équilibre de la terreur, comme on l'appelait à l'époque, était aussi surnommé MAD, destruction mutuelle assurée, tout simplement parce qu'une guerre nucléaire commençant entraînerait inévitablement des représailles mutuelles qui, de fil en aiguille, aboutiraient à la destruction des pays, à plusieurs centaines de millions de morts. Et donc, l'on essaie de canaliser cette course aux armements. On ne peut pas l'arrêter dans le contexte de guerre froide et dans le contexte de surenchère et de compétition dans tous les domaines. L'Islande, à l'époque, c'est un pays qui compte 200 000 habitants, qui est lié au bloc occidental en état membre de l'OTAN, en accueillant une base américaine. Donc l'Islande est ancrée dans le camp occidental. À vol d'oiseau, elle est sur le chemin entre l'URSS et les États-Unis. Il y a cette idée d'être un petit état dont les allégeances sont très claires, mais finalement dont la petite taille le rend propice à accueillir une compétition pacifique, en toute sécurité ou en toute tranquillité. Et donc il y a une dimension symbolique intéressante. Thorarinsson doit prononcer son discours dans 10 minutes. Or, il devra sans doute annoncer que le championnat du monde est tout simplement annulé. Car Bobby Fischer est introuvable. Les négociations ont été incroyablement protracted. David Edmonds, journaliste à la BBC. And Iceland was only chosen as a venue. Les négociations avaient duré très longtemps et l'Islande avait été choisie à la dernière minute après que d'autres villes candidates eurent renoncé au vu des exigences exorbitantes de Fisher. Fisher était donc à New York. Il y avait eu diverses tentatives pour le faire venir en Islande. Il voulait notamment revoir à la hausse le montant de la prime. Il voulait aussi un pourcentage des recettes, ce que l'Islande ne pouvait pas se permettre, ayant déjà dépensé des sommes considérables pour organiser l'événement. Alors, Fisher refusait de se présenter. Il y a eu plusieurs faux départs. Fisher est allé une première fois à l'aéroport et il allait embarquer lorsqu'il a vu un groupe de caméramen qui l'attendait. Alors il a fait demi-tour et a quitté l'aéroport en courant pour se réfugier chez un ami joueur d'échecs. C'est là qu'il était durant la cérémonie d'ouverture. Alors, Spassky a cette remarque sibylline : la situation est grave et ne peut être réglée qu'au plus haut niveau. Thorarinson fait alors des pieds et des mains pour alerter la Maison Blanche, qui a pourtant d'autres préoccupations à cette époque. En 72, les États-Unis, sur le plan intérieur, il y a les énormes bouleversements des années 60 avec la déségrégation, avec les mouvements pour les droits des femmes, pour les droits des minorités ethniques. Et il y a d'autre part, évidemment, le Vietnam. Et le Vietnam est non seulement un gouffre financier, un gouffre militaire. Les États-Unis ont quand même perdu de l'ordre de 50 000 soldats. Il y a eu jusqu'à un demi-million de soldats engagés simultanément sur le terrain. Mais le bourbier vietnamien, cette guerre qui n'en finit pas, qui a commencé en 64 pour l'engagement direct américain, on en est en 72, 8 ans plus tard, il y a toujours des jeunes Américains qui meurent au Vietnam et le sujet du Vietnam cristallise des affrontements internes avec des révoltes étudiantes, des manifestations et la puissance américaine vacille. Et donc la rencontre de Reykjavik est un moment qui est en réalité mis en scène et prend une série de significations au-delà de son impact réel qui est énorme dans le monde des échecs mais qui ne changera pas la face du monde. Néanmoins, pour les États-Unis, c'est un enjeu parce que c'est la première fois, les échecs ne sont pas un sport national aux États-Unis. Et c'est la première fois qu'un champion américain se retrouve à disputer le titre de champion du monde. D'autre part, il va affronter un soviétique. Et donc, l'on projette sur cet affrontement entre deux joueurs la symbolique de l'affrontement Est-Ouest dans son ensemble. Et chacun se retrouve à incarner son propre système. Chacun se retrouve à être le champion, au sens médiéval du terme, de l'un des deux blocs. Si les échecs font depuis longtemps partie intégrante de la culture russe, c'est Staline qui en fait une arme idéologique dans la guerre culturelle que l'URSS mène contre le monde capitaliste. La première star soviétique s'appelle Bud Vinnik. Le pouvoir l'érige au rang de mythe, au même titre que Stakhanov. Quand l'URSS se résout à adhérer à cette institution bourgeoise qu'est la Fédération internationale des échecs, Bud Vinnik devient le premier champion du monde issu de la sphère soviétique. Comme le seront ses successeurs, Smyslov, Tal, Petrosian et enfin Spassky. Pour les Russes, le match est important pour plusieurs raisons. D'une part, parce que depuis 1947, le champion du monde d'échecs a toujours été un soviétique. Donc il s'agit de maintenir cette prééminence. Première raison. La deuxième raison, c'est que en URSS et en Russie, les échecs sont classés parmi les sports avec des parties rediffusées à la télévision. Et les échecs, par leur complexité et par leur richesse, sont la quintessence du jeu qui sont emblématiques de l'intelligence. Et en Occident, c'est le jeu d'échecs qui représente le mieux la politique, la stratégie à court terme, à moyen terme, à long terme, les plans que l'on prépare, etc. Et donc, une victoire dans les échecs est la preuve de la suprématie intellectuelle, mentale, stratégique de l'URSS, est la preuve de la réussite de son système. Et on est à l'époque du brejnevisme triomphant. Il y a toute la conquête spatiale qui avance, il y a la suprématie dans les domaines sportifs. Voilà, on est à l'époque du socialisme développé, comme on le dit à l'époque, et donc l'impression que l'on a atteint les objectifs de bonnes conditions de vie pour tous, d'équipements généralisés, etc. Et donc, on est dans une époque extrêmement triomphante et positive pour l'URSS, même si il y a eu évidemment la contestation de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68, mais le pays en tant que lui-même semble être complètement à l'apogée et dans une totale maîtrise sur tous les domaines. Ce championnat du monde, c'est le match du siècle, c'est le monde libre qui se bat contre ces menteurs, ces tricheurs, ces hypocrites de Russes. Une phrase bien sûr qui n'est pas de moi, mais de l'américain Bobby Fischer, le challenger de l'actuel champion du monde, Boris Spassky. C'est vous dire l'ambiance qui règne aujourd'hui en Islande, une ambiance électrisée par la personnalité des deux joueurs. À ma gauche, Boris Spassky, 35 ans, grand maître international à 16 ans. Il a déjà battu Fischer 3 fois. Il a son franc-parler, il n'est pas membre du Parti communiste et a critiqué l'invasion de la Tchécoslovaquie en 68. Les connaisseurs le décrivent comme le type même du vieux roublard prétentieux. Bobby Fischer, c'est un autre genre, mais ce n'est guère plus sympathique, c'est, si vous voulez, le sale gosse. Champion des États-Unis à 14 ans, il est grand maître à 15 ans. Sûr de lui et de son talent, il faut dire que son coefficient intellectuel est de 184, ce qui est exceptionnel. Il professe des idées d'extrême droite et appartient à une secte qui s'appelle la religion de l'air. Spassky n'est pas un emblématique du système soviétique, mais il en est un parfait résultat. Il est né dans les années 30, il a connu le siège de Leningrad, même si il a pu fuir Leningrad à temps. Sa famille en a souffert, son père y est mort. Ensuite, il était repéré par le système des concours et le système éducatif. Donc, il est un produit du système soviétique. Parce qu'à l'époque, il y avait des plans. Pendant des années, les Russes ont commencé à développer un système. Les échecs sont devenus en fait une arme idéologique pour eux. Darko Anić, grand maître international et psychologue. Et c'était aussi pas très cher. Une table, deux chaises, déjà on peut jouer aux échecs. On n'a pas besoin d'avoir un stade. Donc petit à petit, il va être intégré dans un club d'échecs. Et finalement, il va être repéré par un entraîneur. Et il va commencer à avancer très très vite. Il va jouer son premier match pour le championnat du monde en 1966, qu'il va perdre contre Petrosian. Mais c'est quelqu'un qui a développé une habilité de s'adapter aux joueurs qu'on n'a jamais vu ça avant. Quelqu'un d'une psyché très très forte, il était très bonne santé, sportif, il jouait au tennis. Quand il était jeune, il faisait aussi de l'athlétisme, etc. Il aimait la vie, il avait beaucoup d'humour, il était respecté, il était aimé. Et son calme, sa maîtrise de lui-même, son caractère aimable, le fait qu'il parle suffisamment l'anglais pour les compétitions à l'étranger, tout ceci en fait une forme de l'homme soviétique calme, intellectuel, raisonnable, même si évidemment, dans ses convictions personnelles, Spassky en réalité n'est pas un soutien du régime. Spassky était toujours un petit peu un décalage avec ce qui était la pensée soviétique unique, que tout est dans le système et tout. Lui, il était toujours un petit peu à l'écart. Il ne voulait pas qu'on lui impose des choses. Est-ce que les autorités soviétiques étaient tolérants avec lui parce que c'était le meilleur, mais se méfiaient de lui en même temps? Ça les a toujours inquiétés. Mais comme il était bon, ils toléraient. Mais il y avait énormément de gens qui s'inquiétaient. Fischer est un autre genre de personnage. Asocial, inculte, anticommuniste, misogyne, antisémite, juif et génial. Il ne pense qu'aux échecs. À Reykjavik, il refuse la plus belle suite, de peur d'être distrait par la vue. Il est capable de sortir son échiquier de poche dans une boîte de striptease pour rejouer une partie célèbre de 1924. Sa mémoire est phénoménale. Il est aussi d'un naturel méfiant. Quand il veut un jus d'orange, le fruit doit être pressé devant lui et goûté par un membre de son équipe. C'est quelqu'un qui était né dans une famille avec l'absence de père. Et sa mère était une personnalité qui n'a pas été très fiable pour lui, qui avait une vie extraordinairement complexe. Pour dire qu'elle avait chez FBI un dossier de 900 pages. parce qu'elle est partie en Russie, en Union soviétique à l'époque. Mais vous pouvez imaginer quel rôle ça jouait sur la personnalité de Bobby Fischer, qui se trouvait souvent seul avec sa sœur, qui était aînée, et qui essayait de s'occuper de lui. Et c'est elle qui lui montre le jeu d'échecs. Ce qui ressort de cette vie-là, c'est une extrême solitude. Et en plus, il joue un jeu solitaire. Aux échecs, il a cherché les sources, il a appris le russe pour pouvoir se documenter. La base de données, les ordinateurs, ça n'existait pas à l'époque. Donc il connaissait les sources soviétiques mieux que les russes. C'est quelque part l'enfant de l'école soviétique, le meilleur élève, on peut dire comme ça. Et c'est paradoxal, mais parce que il était, pour lui, les échecs étaient tout. Et donc, son ascension est fulgurante. Lui, il devient donc grand maître à 15 ans, devient champion des États-Unis à 14 ans. Il est parmi les 8 meilleurs joueurs du monde. Mais très, très tôt, il y a aussi une dent contre l'Union soviétique parce que sa mère l'amène en Russie. Et il veut jouer contre les plus forts et eux, ils voient un gamin. Mais très tôt, il a cette idée de devenir champion du monde. Well, Bobby Fischer was one of the my chess idols when I was young. Jan Timman, grand maître international, ancien champion des Pays-Bas. Bobby Fischer était une de mes idoles de jeunesse. Son style était sans compromis. Il jouait toujours pour la victoire. Très souvent, il a continué à jouer alors qu'il n'avait aucune chance. Cette attitude était admirable. Le problème, c'est qu'il disparaissait souvent. Il se retirait des tournois. Mais d'une certaine façon, cela contribuait à faire de lui une figure mythique. Son comportement dépend de la situation, des défis qui lui sont lancés. Lorsqu'il joue, lorsqu'il réussit à percer la cloison qui l'isole de son milieu, il brise la coquille, communique avec l'extérieur violemment et provoque une tension qui me semble particulièrement fascinante. Pour les autres, il paraît anormal. Les échecs sont sa religion, enfin une de ses religions. Quelle est l'autre ? Il appartient à une église de Dieu, ce qui lui est très bénéfique, car il a tendance à s'isoler et sa foi établit un rapport avec les autres. Il aime bien Spassky. Il pense que c'est un gentilhomme. Il ne déteste personne. Réfugié à Long Island chez son ami Anthony Saidi, Fischer affirme qu'il lui est interdit de prendre l'avion le jour du Shabbat. Les Russes sont furieux. Et Thor Arinson, plus que jamais sous pression. Lui, qui misait sur cet événement planétaire pour lancer sa carrière politique, il voit se profiler un désastre dont il sera très difficile de se relever. Il y a eu une frénésie de coups de téléphone de tous les côtés, des Soviétiques, des Islandais et des Américains. Fischer était franchement embarrassant pour les Américains, en Islande et ailleurs. Alors que Spassky était un gentleman, digne, populaire, amical, les Américains étaient en train de perdre la bataille de la communication. Deux avancées majeures ont finalement permis que le match commence. La première, c'est qu'Henry Kissinger a fini par appeler Bobby Fischer avec ses paroles restées célèbres. Ici, le pire joueur d'échecs du monde, j'appelle le meilleur joueur d'échecs du monde. Kissinger exhorte Fischer à jouer. Et Fischer, qui avait toujours considéré ce match comme une bataille de la guerre froide, entend le message. L'autre grande avancée chess player, est l'intervention du millionnaire britannique Jim Slater, amateur d'échecs et mécène de tournois. Heard that Fisher was complaining about Jim Slater, the prize money. Apprenant que Fisher se plaint de la faiblesse de la récompense, fait passer ce message à Fisher juste avant la date prévue du match. Well, chicken, if it's really the money that's worrying you, I will double the prize money. Si c'est vraiment l'argent qui vous préoccupe, eh bien je double la prime, espèce de dégonflé. Ce sont ces deux appels qui ont fini par persuader Fisher de monter dans l'avion. Trop tard toutefois pour assister à la cérémonie d'ouverture. Bobby Fisher arrive très tôt le 4 juillet. En voyant la foule des journalistes à l'aéroport, il s'engouffre dans la première voiture du convoi, ignorant les fans et les officiels islandais venus l'accueillir. Il fonce à l'hôtel et va se coucher. Il avait obtenu le report du tirage au sort au 4 juillet à midi, ce qui avait déjà irrité les soviétiques. Or, à midi, les Russes voient arriver, à sa place, un prêtre catholique en soutane, le père Lombardi, entraîneur de l'Américain. Fisher, lui, est toujours au lit. Well, he sends his second. And it's an incredibly Il envoie son second. C'est un geste d'une grossièreté inouïe. Spassky, qui a déjà beaucoup supporté, est extrêmement agacé, ce qu'on peut comprendre. Fisher n'a aucun sens du protocole, aucune notion de ce que sont la courtoisie ou la grossièreté. Il n'a peut-être même pas compris l'effet que cela pouvait avoir sur Spassky. Il faut dire que Spassky avait été particulièrement accommodant jusqu'alors. On sait maintenant que les Russes voulaient que Fisher soit déclaré forfait puisqu'il s'était présenté trop tard. Ils disaient que Spassky devait rentrer à Moscou. Mais Spassky voulait jouer. Et à chaque étape, il avait accepté de faire des compromis. Mais là, c'en était trop, même pour Spassky. Et Spassky a exigé des excuses. Conférence de presse donnée par l'équipe soviétique. Le 4 juillet 1972. Le champion du monde, Boris Spassky, considère que le retard du Challenger crée une situation sans précédent. Son attitude représente une violation flagrante du règlement de la Fédération mondiale des échecs, qui doit s'appliquer à tous les joueurs. Boris Spassky considère que l'absence du Challenger à la cérémonie d'ouverture du championnat du monde et ses trois jours de retard constituent une insulte. Ce sont les autorités soviétiques qui exigent que Spassky proteste officiellement. Ils n'obtiennent pas que Fisher soit déclaré forfait pour la première partie, mais après des négociations interminables et alors que Fisher est de plus en plus impopulaire, le camp américain accepte de rédiger une lettre d'excuse. Une lettre très habile, toute de contrition et de fermeté mêlée. La lettre se termine par ces mots « Vous êtes, je le sais, un sportif et un gentleman ». Une lettre littéralement désarmante pour Spassky. Comme le dira amèrement Korchnoï, Spassky était un gentleman. Les gentlemen ont peut-être du succès auprès des femmes, mais aux échecs, ils perdent. Le championnat du monde d'échecs, le folklore continue. En principe, le match doit commencer aujourd'hui, mais l'incorrigible Bobby Fischer fait encore des siennes. L'Américain estime que l'échiquier est trop grand, l'éclairage insuffisant. Bref, c'est la guerre des nerfs menée par le challenger contre le russe Boris Spassky, le tenant du titre. Les pronostics sont très réservés. Dans l'ensemble, pourtant, on accorde plus de chance à l'Américain. Le 9 juillet, 36 heures avant le début prévu du match, Fisher vient inspecter le théâtre des opérations. Il approuve les pièces, ainsi que la chaise pivotante reçue spécialement de New York, mais rejette tout le reste. Il faut alors raboter les pieds de la luxueuse table d'acajou, reculer les caméras, supprimer les premiers rangs de spectateurs, réveiller à l'aube l'artisan qui avait fabriqué l'échiquier de marbre pour lui en commander un autre, aux cases moins contrastées. Enfin, il faut modifier l'éclairage afin de supprimer ombres et reflets. fait, Fischer, c'était quelqu'un qui, toute sa vie, il avait des exigences envers les organisateurs, comment, les conditions de jeu, envers l'argent, envers plein de choses comme ça autour. Probablement, il avait compris aussi que ça dérange l'adversaire, mais c'était surtout par rapport à lui-même. Au fond de lui, il ne pouvait pas se permettre de jouer si ces conditions ne sont pas respectées. Dans le sens, c'était comme si lui n'a pas été respecté. Donc c'était quelqu'un qui croyait dur comme fer dans ses droits et il voulait que ça soit respecté. Game theory had been designed in the west coast of America. La théorie des jeux est née sur la côte ouest des États-Unis. Elle consiste à élaborer la façon de sortir vainqueur d'une négociation avec un partenaire hostile. L'une d'elles est devenue connue sous le nom de MAD stratégie, destruction mutuelle assurée. Vous persuadez votre adversaire que vous êtes fou, que vous êtes prêt à appuyer, pour ainsi dire, sur le bouton nucléaire, et la partie adverse, convaincue de votre folie, capitule. Eh bien, dans une négociation avec Fischer, il y avait une dimension de destruction mutuelle assurée. Fischer était de toute évidence capable d'appuyer sur le détonateur. Il était prêt à tout détruire pour obtenir ce qu'il voulait. Il était prêt à détruire tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il avait déjà, dans sa carrière, il lui était déjà arrivé dans sa carrière de quitter des tournois et de disparaître du monde des échecs quand le monde des échecs n'avait pas satisfait à ses exigences. Donc, tout le monde savait que Fischer ne bluffait pas. Alors, si vous vouliez que le match ait lieu, le meilleur moyen de s'en assurer était de capituler devant toutes les revendications de Fischer. Et au bout du compte, c'est ce qui est arrivé. Les Soviétiques ont capitulé devant presque toutes ses demandes. Fischer a parfois dû se livrer à des excuses demi-sincères. Mais quasiment toutes ses exigences ont été acceptées dans un effort désespéré pour que le match commence enfin. De toute évidence, vous vous considérez comme le meilleur joueur d'échecs du monde. Vous ne trouvez pas que c'est arrogant ? Non. Non, je veux dire, si c'est vrai, ce n'est pas arrogant. Selon vous, qui va gagner ? Vous ou Spassky ? Je suis sans conteste le grand favori au vu des résultats passés. Alors ça va être plié assez vite. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce titre ? Gagner pour vous-même ou que le public vous considère comme le champion du monde ? Que les gens sachent que je suis le champion. Parce que moi, je le sais depuis un moment que je suis le meilleur alors. Je n'ai plus grand-chose à me prouver à moi-même. Mais quand même, je voudrais bien me le prouver aussi à moi-même. Mais c'est surtout pour le public. Et je voudrais bien montrer aux Russes qui je suis aussi. C'est ce que je vais adorer faire après. Lire les magazines russes et voir ce qu'ils disent de moi. La guerre froide sur un échiquier avec Emilia Robin, David Edmonds, Jan Timman, Darko Anic et la voix de Maël Genet. Archivina Gwen Michel, documentation Anne-Lise Signoret, prise de son Olivier Dupré. Un documentaire d'Olivier Sichelski, réalisé par Vincent Deck.